Nous partons de La Paz au petit matin en direction des îles du lac Titicaca, plus exactement de la partie mineure du lac. Nous y rencontrerons Gervasio, Alfredo et Don Juan, trois pêcheurs. Ici, la vie est paisible, naviguant d'une communauté à l'autre, Kewaya, Suriki, Pariti, sur le petit lac et touchant les eaux péruviennes. Nous atteignons Kewaya après avoir dégusté en chemin une truite du lac pour déjeuner. Nous arrivons dans ce petit village entre deux eaux. On nous indique un logement un peu plus loin, une auberge tenue par l'association de tourisme communautaire du village. Le responsable n'est pas encore là. Nous décidons de faire un tour et montons sur la crête. D'en haut, une vue à 360 degrés sur les îles voisines, le Pérou au loin et la cordillère royale et ses sommets enneigés. J'aurais pu rester des heures devant ce spectacle au coucher du soleil. Nous rencontrons Alfredo à l'auberge, avec qui nous partageons un maté de plantes du coin. Nous lui offrons quelques crackers, notre maigre dîner. Nous n'avions pas vraiment anticipé et il n'y a pas de magasin ni de restaurant ici. Alors les crackers et l'eau font donc l'affaire pour ce soir. Alfredo est né à Kewaya, dans une famille de pêcheurs. La pêche, c'est son activité principale, mais ce n'est pas comme avant. Malheureusement, sur les lacs, il n'y a pas assez de poissons. Et aussi, monter l'activité de la pêche, il y a plusieurs pêcheurs, parce que c'est l'activité principale dans l'île. Sur cette île, il n'y a pas d'agriculteurs. Il y a un peu des petites parcelles, mais c'est pour la consommation interne. Donc, même le jeune, le vieux, etc., ils vont aller à la pêche. Ici, on ne consomme pas les poissons qui ont le pêche. Tout est vendu directement à destination du marché de la ville de La Paz et l'Alto. Si on veut manger du poisson, on l'achète. Comme tout le monde, et c'est cher. Le lendemain, nous traversons la presqu'île vers les ruines des villages des seigneurs Aymara. Ici se dressent des chulpas, des tours funéraires. Chulpas, c'est la momie, okay, on la trouve dedans. La signification de la tour funéraire, c'est un ventre féminin, bon, un utérus plutôt. Parce que selon les croyances, le mort il va renaître dans une autre dimension. C'est pour ça que la momie trouvée avant, elle était dans une position fœtale. Il devait faire un voyage. Pour cela, la momie était accompagnée ou enterrée avec un mobilier funéraire. Et dans le mobilier funéraire, il avait des bijoux. Il avait la nourriture aussi, comme maïs, selon la région, le produit qu'il avait. Maïs, quinoa, feuilles de coca, pour pouvoir faire le voyage. Ici, le personnage était important, il avait des bijoux, les meilleurs avis pour se présenter dans l'autre dimension, dans l'autre vie. Le même personnage, il va renaître. Ce n'est pas une incarnation. Cet côté du lac Titicaca, surnommé le lac Winaymarca, ça veut dire ville éternelle, c'est un côté très important si on parle de l'histoire et l'archéologie, parce qu'ils ont passé pas mal de civilisations. Par exemple, la civilisation Chilipa qui s'est installée ici, et après, bon, parallèlement, la civilisation Tiwanaku, de laquelle on trouve des restes archéologiques. Sur l'île Pariti, il y a un atelier incroyable de toute la poterie qui montre les différents personnages, les animaux, et plein de choses de Tiwanaku. Donc c'est très important au niveau de l'archéologie. Également, il y a des ruines archéologiques, il y a une nécropole importante à côté de Kewaya, les Chulpares, qui s'appelle la région de Kalauta, ça veut dire la maison en pierre. Et aussi les constructeurs de bâtons, c'est l'héritage direct des Tiwanaku. Nous prenons une lancha, une petite barque à moteur, pour traverser les roseaux et arriver sur l'île de Suriki. Une petite église, un musée et à nouveau une vue imprenable sur le lac. Après un petit tour de l'île, nous remontons dans notre embarcation pour rejoindre l'île voisine, Pariti, où nous passerons la nuit. En chemin, nous croisons des pêcheurs disposant leurs filets depuis leur petite barque. Nous rencontrons Don Juan et son ami d'enfance sur la place du village. Un beau moment d'échange avec ses deux vieux amis de maintenant plus de 75 ans. Ils ont toujours vécu ici et nous racontent leur île. Notre activité phare ici, en complément de la pêche, est la construction des bateaux pour naviguer et pêcher. C'est une activité ancestrale, car sur cette île, toujours, il y a eu des constructeurs de bateaux depuis l'époque Tiwanaku ou Inca. Donc, c'est une activité qu'ils ont héritée de ses arrière-grands-pères. Ils sont les constructeurs par excellence des bateaux sur le lac. L'île Suriki est réputée pour ça. D'abord, des bateaux en totora, c'est le roseau qui pousse sur le lac Titicaca. Mais maintenant, c'est plutôt avec des bateaux faits en bois, bois qui vient d'ailleurs de la région de la vallée, comme l'eucalyptus de la région tropicale. Donc ils sont très doués pour la fabrication des bateaux. Don Juan nous emmène dans son atelier d'artisanat de totora. Il construit aujourd'hui de ses mains des corbeilles, des figurines et autres objets en roseau du lac. Une manière de faire perdurer la tradition et ce savoir-faire ancestral. Aujourd'hui, les lanchas en bois ont remplacé les balsas sur le lac. La construction de bateaux est encore au cœur de l'activité de l'île. Bruit de scie et marteau sont le fond sonore du village. Pour dîner, nous avons trouvé une petite cantine locale. Avec menu unique, après 2 jours de crackers, tout nous va. Et on apprécie l'ambiance populaire du coin. Le lendemain, nous partons faire le tour de l'île au petit matin, sur les sentiers entre lac et crête, avant de reprendre notre embarcation pour quitter le lac et voguer vers de nouvelles aventures.